On s'est connu dans le groupe, mais pourtant c'est du mal. Il y aurait cru que la no provenait du Nine. Laissez-moi les gouverner par la terreur. Je sens comme une odeur de peur. Rendez-vous cher Angelina, oh Angelina. Angelina, oh Angelina. Angelina, oh Angelina. Angelina, oh Angelina. Quand je prends le mic, quand je prends le mic, je leur fais du mal, je leur fais du mal. Get ma démarche, get ma démarche. Rencarte les mythos chez Angelina. Posé à Sidi Youssouf, je vois que les tablés m'appellent. Vache me Guiwarano, t'as ouvert un nouveau label. Y'a des coups, garde des coups de gueule. Ma putain de face sur Google. Prononce mon blast plus de trois fois, plus je deviens mec du Krug. Tout n'est pas si facile, oui, tout ne tient qu'à un fil. Ma ville, un putain d'asile. Zepo sur deux, trois vinyles. La chose de Shaquille O'Neal te fera changer de mine. En lévitation dans le vide, surplombe la Seine et le Nil. Angelina, oh Angelina. Angelina, oh Angelina. Angelina, oh Angelina. Angelina, oh Angelina. When I'm on the mic, when I'm on the mic, 100,000 for the show, might just spend it on the back. I'm the nigga that you know, every checks I'm on the flight. I don't really give a fuck it, I just spend it how I like. I just be balling and whipping, like I'm up in the kitchen. My life is money and riches, bitches and beautiful women. Haters mad when they see it, like they could not believe it. I just walk away the season, I be bobbing the with it. Homeboy, never turn your luck, for the back of your tongue. Make a life go dark, if I turn those guns. Cause I beach real bad, make a beach feel sad. Cut a car, I'm with it, make a beach real mad. The flyers that did it, 106 on the main. I put the top of the beam, they call that beach on Jerry. Angelina, oh Angelina. Angelina, oh Angelina. Angelina, oh Angelina. Angelina, oh Angelina. Angelina, oh Angelina. Angelina. Why do they hate us, they hate us? Cause we made it, bought it to Paris. The vibes, boys at the tables in Vegas. I'm the greatest, but it's simple, I'm living. Lady haters just want me itty bitty Angelina, like Biggie says. Angelina, Angelina. J'suis rare comme le tigre de Sonatra. Roule sur les crânes en Porsche Carrera. Au mieux tu t'en sors avec un coup de cara. Fontenic, Tara, c'est ça, viens Paname. C'est incomparable, c'est un hit parade. On évolue en me dans des petites baraques. C'est la rue, la vraie, loin de la On s'est connu dans le groupe, mais pourtant c'est du mal. Tu qui aurais cru que la